Les nuits de France Culture. Jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Mathieu Bénezet est né à Perpignan en 1946. Il est poète, romancier, essayiste. Flammarion vient de rééditer une grande partie de son œuvre dans la collection « Mille et une pages ». Nous vous proposons de réentendre un texte qui l'a fait reconnaître comme un grand poète et un chef de file de sa génération. « Ce qui te reste de Brie-sur-Marne » a été joué à sa parution au Musée d'art moderne en 1979. Mathieu Bénezet avait 33 ans. Son écriture a toujours le ton et la structure de la parole à mi-voix, de la lettre adressée, de la confidence, de la demande d'écoute amicale, insistante. Il parle comme d'une autre voix que la sienne, en même temps que la sienne. Son monologue est un dialogue, son dialogue un monologue. Est-ce le chant de la langue qui parle toute seule en lui, qui l'obsède ? Et d'où vient le chant de la langue ? Des mères, des pères, de l'école, de la société ? La langue parle toute seule et il dialogue avec elle pour ne pas parler seul. Se laisse traverser par des phrases toutes faites, tombées de son propre corps, des clichés, des parlures, des propos de comptoir, des souvenirs d'affect de langue. Pour cette émission, Mathieu Bénezet est retourné avec sa mère sur un des lieux où il a passé son enfance, à Brie-sur-Marne, dans les années 50. Bonsoir. Tiens, Mathieu Bénezet. Bonsoir, oui. Mathieu Bénezet. Bonsoir, Manestan. Bonne année. Vous aussi. 1979, ça ne s'est pas trop mal terminé pour vous. Vous avez publié 2 livres. Ouais. 2 livres qui ont reçu un accueil plutôt mitigé de la part de la critique. Oh, disons que... Il y a eu des poireaux dans la soupe, non ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Qu'il y a eu une soupe de poireaux. En tout cas, vous n'êtes pas passé dans Bruit de Page. Pourquoi ? Parce que vous ne savez pas quoi faire pour faire parler de vous. Vous voudriez bien faire du bruit avec vos livres. Mais ils en font trop. Rappelez-nous un peu les titres de ces livres et dites-nous de quoi il s'agit. Ah, les titres, oui. Il y a « Ceci est mon corps ». Rien de moins, « Ceci est mon corps ». Ouais. Il y a « La fin de l'homme », rien de moins. Rien de moins. De quoi il s'agit ? « Ceci est mon corps », c'est un recueil de textes. Je ne dirais pas ça, non. C'est un livre. On a pourtant dit que c'était tout sauf un livre. C'est moi qui dis ça ? Non, les critiques... La soupe de poireaux dont vous parliez tout à l'heure. Oui, parce que je pense qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'écrire. Écrire, c'est traverser le livre. Mais c'est aussi faire des livres. C'est aussi faire, pour moi, la radio. La fin de l'homme, c'est un livre qu'on peut dire biographique. Oui. Quelques souvenirs d'enfance, comme trame. Comme image. Et au moment où vous mettiez noir sur blanc ces souvenirs d'enfance, vous prépariez pour nous aussi, pour Nuit Magnétique, une émission qui traitait à peu près le même sujet, mais sous une autre forme, qui jouait sur les voix, une forme radiophonique. Donc on peut dire que l'émission qu'on va entendre ce soir a été, d'une certaine façon, le point de départ de ce livre. Non, pas le point de départ, mais c'était une façon de déplacer l'écriture. De la même façon que les photos de Jean-Louis Rabeu, il y a 8 photos de Jean-Louis Rabeu qui sont dans le livre, qui sont des photos de lieux d'enfance, enfin, où j'ai vécu. C'était une façon de, tout d'un coup, de me confronter à une autre écriture et de déplacer. C'était en cours d'écriture. Et je voulais faire bouger, c'est-à-dire je voulais faire bouger le côté biographique pour arriver à autre chose, pour arriver à dire toi, c'est-à-dire pour arriver à toucher l'autre. Et donc j'ai fait cette émission, et cette émission a, disons, bouleversé l'écriture même du livre. Pour faire cette émission, vous êtes allé à Perpignan, où oui. vit votre mère, et vous êtes allé avec un magnétophone sur les lieux pour essayer de retrouver à la fois votre enfance et votre mère. Retrouver un chant. Que vous faites parler, un peu comme une actrice. Retrouver un accent, un chant. C'est-à-dire, en fait, ce qui trame ma voix, enfin, de toute façon. C'est-à-dire arriver jusqu'à l'obscénité, parce que faire parler sa mère, c'est quand même très obscène. Donc, Mathieu Bénézet, Pamela Dousseau, ce qui te reste de Brie-sur-Marne. Ce qui te reste... J'ai la mémoire de le voir ensemble. De Brie-sur-Marne. À Brie-sur-Marne, il parlait déjà quand... Ce qui te reste de Brie-sur-Marne. Je suis née, c'était des pierres avec... Te reste de Brie-sur-Marne. De mes membres. De Brie-sur-Marne. De Brie-sur-Marne. De Brie-sur-Marne. On voit plus rien. On est à Brie, sinon, je crois, non ? Je sais pas. Oui, près de toi. Je te dirai cela que je ne sais pas. Quelque chose oublié sans le savoir, c'est presque fini. Un murmure de mots que je n'ai pas compris. Elle me regarde. Je perçois le tremblement de ses doigts, l'hésitation de ses gestes à me déshabiller, à me questionner. Crois-tu ? J'ai le désir de toucher ce qui tremble. Il aurait peut-être suffi que je ne regarde pas ses doigts. Partir, marcher, courir, vivre. Ce n'est pas l'enfance, cela, une gare désaffectée et un mur écroulé d'un seul pan, à terre, couché, tombé, les fenêtres et les portes grillagées sans vitres. Des étoffes de bois traînent à terre. Je suis retourné à Brie-sur-Marne pour voir une maison au balcon pourri entourée de HLM. Te souviens-tu ? Presque le désert. Avec le tapis d'herbe. Toi qui parles près de la nourriture sans presque trembler, sans presque me regarder, qui es-tu ? Et je crie, je cours. Tes cheveux brûlent, je voudrais ne pas voir. Toutes ces années loin de toi, j'ai un goût de plume dans la bouche comme à Perpignan. Tu y vas tout de suite, tu pleures, reviens. C'est une ville d'eau. Je ne t'ai pas quitté, je cherchais à te parler. Tu remues les yeux, tu me regardes. Que dis-tu ? Comme cette gare abandonnée où nous nous sommes promenés, trop loin. Nous avons dérangé quelques pierres et de l'herbe. Tu es entouré de femmes qui te parlent. Je ne peux oublier que tu as respiré près de moi. As-tu dormi ? Et toute l'eau avalée qui amollit nos corps. Tu es revenu des colonies avec des souvenirs. Sans toi, ta vie ralentit. Tu es revenu en m'ignorant. Je n'ai pas dit que c'était moi, près de l'eau et des branches. Je ne me suis pas perdu dans la rue qui n'en finissait pas dans la grande rue. Et ton corps qui semblait ne pas savoir. Il s'échappait par la porte et semblait ne plus revenir. Il entrait dans la ville dès qu'il franchissait la porte. Ta voix affaiblie à mesure que j'ai grandi. C'est un corps plié par ma naissance. Après, tu as parlé. La façon qu'ont les herbes de bouger comme une mémoire. Je ne t'entends pas. Tu me parles, tu me dis non. Non, tu parles entre les tuiles. Viens. Il y a le souvenir du balcon tremblant. Il y a le souvenir du balcon tremblant. L'école de Brie, c'est là qu'il y en a plusieurs. À l'école. Henri Kahn ? Oui, c'est ça. Plutôt passer par la grande rue. Faut reprendre là, à gauche. Oui, et vous allez toujours tout droit et vous verrez un café. Oui. Vous tournerez à gauche. D'accord. Et il y a soit le CES ou soit le primaire. Bon, merci. Alors tout droit et à gauche. Là ? Oui, tout droit. Ah, tout droit. Tout droit, hein ? Oui, tout droit par là. Par là ou par là ? Oui. Par là. Par là, d'accord, merci. Reste de Bry-sur-Marne. Ce qui te reste de Bry-sur-Marne. Ce qui te reste de Bry-sur-Marne. Ce qui te reste de Bry-sur-Marne. De Bry-sur-Marne. L'école Henri Kahn. Tout droit. Vous allez voir un carrefour à la gauche. Hein. Tout droit, il y a un carrefour. Tout droit, vous allez voir un carrefour qui se trouve sur la gauche. Merci. Vous allez trouver là. Du carrefour. Merci. Tiens, maman. Je vais te montrer des photos. Mmh. Qu'est-ce que je dois dire? C'est de Bry-sur-Marne ? Ouais. Je reconnais pas ça, tu vois. C'est dans la grande rue. Ouais. Alors, ils ont dû changer la vitrine parce que je reconnais pas. Produit diététique. Non, ce n'était pas ça. Il y a combien, 20 ans qu'on y habitait ? Oui, 20 ans. À peu près. Donc ça n'existait pas en ce temps-là. Non, non, non. Mais il y avait déjà cette maison. Oui. Oui, la maison, je la reconnais bien. Mais je ne sais plus. Je ne me souviens pas ce qu'il y avait. Mais ce n'était pas des produits diététiques, ce n'était pas à la mode en ce temps-là. C'est vrai ce que je vous dis. Hein. En peu de temps, partout il y a des produits diététiques. C'est pas une épicerie, non ? C'est pas une épicerie ? Non, l'épicerie où je me servais à la Grand Rue n'était pas entourée comme ça. C'était pas. C'était une mercerie qui vendait des bonbons. Ah ! Oui. Mais alors, c'était pas loin de l'école ? Eh oui. Ah, voilà, je recours. Ah, oh, d'accord. C'est pas la Grand Rue, effectivement. Non, c'est pas la Grand Rue. Non, parce que je t'ai dit si c'est la Grand Rue, non. Parce que la Grand Rue, tout de même, les magasins se touchent. Alors, c'est ça, cette grille-là qui me. Un CES et un CES en plus. Et je crois, le CES, c'est l'ancienne école des garçons. Quand tu étais à l'école. Avec l'argent que je volais. Wouf. Tu n'as pas beaucoup de nouvelles, où est l'argent? Ce serait pas toi, là. Sur la photo, oui, une grande chance, c'est pas moi. Là. Et la maison? Ça, c'est la maison, mais oh, la cuisine a été tronquée, là. Oui, c'est la photo qui la tronque, hein. Dans les d'autres, non. Mais attends, elle a été modifiée, la maison. Oui. Elle a été modifiée. Il n'y a personne, hein. C'est le principal. Bon. Ben, je crois qu'on n'a plus qu'à se promener. Non, il n'y a personne. Ah oui, c'est gênant. Elle a été modifiée, la maison. C'est un peintre. Vous ne savez pas où on peut trouver quelqu'un? Ça, c'était notre chambre, là, regarde. Alors, ils ont fait... Où ils ont fait cette toute petite fenêtre, là, c'était une porte, en réalité, là. Une porte vitrée, là. Merci. Il y avait une... Il y avait une porte qui donnait sur le parc. Tiens, regarde. Il y avait une porte vitrée de chaque côté de la maison. Et nous avions une chambre, tenez-vous bien. Elle avait quatre énormes fenêtres, hein. Une et deux portes, dont une porte à double battant. Parce que vous vous rendez compte de la superficie que vous avez, cette chambre. La maison était d'ailleurs très mal. Hein? Tu reconnais, là? Mais non, mais tu vois comment ça a été. Et au fond, ils ont fait un HLM, je crois. Il y a deux HLM. Deux, il y en a. Deux ou trois, je ne sais plus. Deux. Ça, tu le reconnaîtras, ça. C'est l'entrée, ça n'a pas changé. Voilà. Ah, oui, ça c'est derrière. C'est l'entrée derrière, on est resté comme ça. Biologique, et bien devant, il y avait une porte vitrée. Cette porte, je ne sais pas si elle est vitrée, ça ne se voit pas là. Qui est exactement jumelle, là, tu vois, entre les deux. Il y avait une porte vitrée exactement jumelle de celle-là. Sous une vitrine. Et en haut, là, il y avait un balcon. Le balcon où on vous interdisait d'aller avec ton frère parce qu'il était tout pourri. Le dessin, la peinture, là. Et en haut, il n'y avait pas ses fenêtres. Il y a des textes. Ils l'ont rehaussé, la maison. Le dessin, ils une source de santé. Plus, c'était le grenier où vous alliez faire du vélo. Toutes les techniques d'expression, l'enfance des gars. Avec le vieux vélo de genre. C'est un monde intérieur. Là où la Marne est venue vous voir. Apprend à se découvrir, à se connaître, à s'affirmer. Dès son plus jeune âge, et sans l'intervention du professeur de dessin, il est bientôt figé dans la convention graphique et coloré à une expression conventionnelle et réduit à des automatismes frustres qui peuvent le maintenir tout le restant de sa vie à un blocage affectif, à une forme d'inhibition. En effet, à la période pubertaire, le dessin deviendra sombre. Des fuyantes vers des horizons lointains apparaîtront avec parfois quelques aspects tourmentés, vaporeux, monstrueux même. C'est alors qu'il faudra faire intervenir le monde des couleurs et constructions rassurantes et optimistes. Dans une nouvelle orientation, l'individu se réfugie dans un romantisme malsain Ainsi, en entourant son cadre de vie, de couleurs, de lumière, de formes toniques et belles, l'enfant abordera avec plus de confiance un monde esthétique et de goût sont souvent trop absents. Gonna les frères. C'est un parking avec la pluie et les verres entrechoqués au passage du train. La nuit, je me levais. Cela s'engouffrait en moi comme une pluie. La nuit, où vas-tu? L'évier sans parler. Où je ne cesse d'aller. Tes mains dans la nourriture sans avoir connu ni l'automne quand tu lisais. J'ai crié toute la nuit pour te voir venir. J'ai mis. J'ai, quand tu descendais le perron jusqu'à la barque, c'était une envie de pluie dans ta bouche. Oui, la paille de nos larmes, immensément, où nous nous sommes couchés, c'est une fenêtre cimentée. Murée. Avec la rosace de plâtre, à quoi tu me compares? Pourquoi c'est ton corps plié par les vagues et ce nom de rue que tu as oublié avec le vélo que je poussais devant moi? Que disais-tu? J'ai enterré la maison avec moi. Je me suis éveillé sans larmes, sans. C'est un morceau de bois que j'ai jeté. Perpignan, tout peut recommencer. Quoi? Tout, disais-tu, tout? Mais... qu'y a-t-il dans le silence, ce qui continue? Ces masses blanches dans le souvenir aveugle. Non, je n'ai rien dit, ce n'était pas moi. Comme une barque au fil de l'eau entraînée. Et moi qui cours pour vivre. Oui, je serais parti à Bry-sur-Marne. Rien, disais-je, hormis ce parking où nous nous sommes arrêtés. Et le bruit du moteur au ralenti, avec la pluie, le café où je t'ai quitté. Quand le vélo d'enfant logé entre la poubelle et le radiateur, qui fut Henri Kahn et nous lisions, nous, la France vaudra demain ce que vaudra l'école. Voilà la plus grande joie et la plus belle conquête de l'homme. Rémy de Gourmont. L'art est la plus haute joie que l'homme se donne à lui-même. On dirait Karl Marx. Hein? Non? Ouais, c'est Karl Marx. Ça. Alors un peu plus loin, toujours dans cette vitrine, pédagogie du dessin. La nature est un dictionnaire, Eugène Delacroix. Art, un artiste est un homme qui propose aux autres hommes des visions du monde, Kalachnikov. Tout homme est créateur, il faut le révéler à lui-même, Clouseau. Voir les feuilles mortes. Oh, baby, baby, don't you know, baby, hey, I think my age is sick. Madame Lecomte, absentée du 16 novembre au 30 novembre, inclus. Monsieur Simode, absent du 16 au 23 novembre, inclus. Madame Guggen, absente le 21 novembre. Madame Janvier, absente le 21 novembre. Dubois, Agnès, 3e C. Loti, Frédéric, 4e A, non? Voir Madame Branca. Il y a eu des inondations en 55. Très urgent, allez, non? À l'intendance. L'année où mon père est mort. Il a été perdu un stylo à plume. En 55, il y a eu des inondations. Alors toute la maison était entourée d'eau. Il y avait de l'eau. Alors le matin, quand il se lève, c'est Michel qui a écrit ça. Hein, qui dit, oh maman, viens voir. La marne est venue nous voir, elle est venue nous rendre visite. Parce que la neige n'est pas venue, l'armée est morte de la marne. C'était tout plein. Ah oui, toute la maison était... Vous êtes de l'école, madame? Ah oui, je l'ai porté sous les dos avec Jean et Mathieu. Là. J'avais acheté des bottes pour l'occasion, parce que c'était plein de... C'était l'année où il y a l'inondation, hein, puisqu'on était assez loin de la Marne. C'était à moins 200-300 mètres de la Marne. Oui, le chemin. Tout le village était presque inondé, enfin le bas du village, parce que c'était dans le bas du village. Et pour aller à l'école, Je passais par derrière la maison, là, tu vois, là où il y a la, les HLM, là, maintenant, qu'ils ont construit. Je traversais tout le parc, et je sais pas s'il y avait une porte derrière, une porte, en soi, au fond du parc. Je le faisais pas grimper le parc. Oui, on ne pouvait pas l'ouvrir. Et je vous transportais sur le dos pour traverser la rue, et derrière, vous alliez à l'école. Parce qu'après, c'était à pied sec. Là-bas. Il y avait l'eau faisait le tour de la maison. Il y avait un bois, non derrière. Oui, mais c'est le bois. Le bois était... C'est où sont construits les HLM. C'est là où sont construits les HLM. Alors, papa, vous prenez... Non, les HLM, ils sont sur le parc. Oui, ils sont sur le parc. Et derrière le parc, il y avait le bois. Ouais. Parce que la maison, la propriété... donnait d'un côté 56 avenue de Rigny, mais de l'autre côté, elle donnait sur la rue parallèle. Je ne me souviens plus comment elle s'appelait. Elle ouvrait sur la rue parallèle. Il n'y avait pas de marché. Le bois, qui était la rue de l'école. Non, j'ai des souvenirs des billes, je jouais aux billes, le trou qu'on faisait. Alors je crois quand même que ça devait être en terre battue. Je ne pense pas, ça ne devait pas être... recouvert de bitume, de macadam, ouais. Non. De mémoire oui. Aussi. Oui, alors là, c'est resté primaire, là, garçon et fille. Ça, c'est le gymnase, je crois, il me semble. Et c'est le préau. C'est le préau, c'est l'ancien préau. C'est l'ancien préau. Okay. Alors, c'est le préau. C'est le préau, c'est toujours, oui. C'est toujours le préau. Ouais, il m'avait semblé voir que vous l'aviez aménagé en classe, non? Les souvenirs d'il y a deux mois sont... Oui, en partiellement. Hein, mais alors là, ce n'est pas mon domaine, là, oui, parce que c'est le côté primaire. Vous êtes, vous, dans le au CES? Dans le côté collège. Non, d'accord, côté collège, d'accord. Et ce sont des photos que j'avais prises. Ça, c'est pas l'école. Non, non. Voilà. Ça, c'est, je crois que c'est là, là, t'es prise. C'est le couloir, là. Hein. Simplement, le couloir. Et puis la porte d'accès à la cour. Avec sans doute un professeur qui surveille la cour. Non, c'est moi. Quelqu'un là, alors non, effectivement, non, en principe, c'est quelqu'un qui surveille la cour. Oui. Ça, c'était la sortie. C'était les vacances, alors il y a un vélo d'enfant, oui, des poubelles. Ah oui, les poubelles. Oui, c'est le côté primaire là aussi, sans doute. Enfin, ça se ressemble. Ah là. Non, ça, c'est tout le, à fait. C'est, là, c'est là. Juste la sortie qui est là. C'est là. Puis alors, il y a. Et l'entrée. La façade. La façade. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase? Ah, ben dites là, hein. La France vaudra demain ce que vaudra l'école. Je pense que c'est exact, hein. C'est exact. Mais en ce moment, l'école est un peu malade. À la rue, à l'avenue de Rigny, là, hein, et toute la maison était entourée d'eau. Mais de l'autre côté, quand on traversait le parc, et quand de l'autre côté de la rue, il n'y avait pas d'eau. Et la rue, il s'était plus élevé. Alors moi, je traversais et tout le parc, vous montiez sur mes épaules, le bois, et je vous laissais de l'autre côté. Vous alliez à l'école comme ça, et puis j'allais vous chercher à 11h30 pour ramener à la maison comme ça. Vous auriez voulu y aller en barque, mais en barque, on n'avait pas de barque. Les feuilles mortes. C'est extraordinaire parce que c'est... Des marelles encore. Ouais, des marelles. Vous voulez pas faire une marelle? Faire la marelle? Ouais. Il y a une inondation assez importante depuis que toute la cave, tu rappelles qu'on avait le charbon, toute la cave était inondée, on n'avait pas de charbon. La municipalité a Bravo. Fait... Bravo. À distribuer du charbon à tout le monde, enfin aux maisons inondées. Oui, si on pouvait pas, c'était plein d'hiver, c'était au mois de décembre, janvier, c'était. Mais alors, maintenant les garçons peuvent plus jouer. Plutôt janvier, février. On nous portait le lait et le pain en barque. Ah, ça, je me souviens. Tu te souviens. Et puis papa allait faire les courses quand on allait à l'épicerie, papa empruntait la barque aussi pour aller à l'épicerie. Ça durait très très beau, ces feuilles mortes. Ça durait une quinzaine de jours. Mais l'humidité a persisté pendant 2 ans. Pendant 2 ans. 2 ans après, lorsque nous avons déménagé, on avait dans la cave, qui évidemment était en sous-sol, là, on voit les petites fenêtres. Il y avait une mémoire. L'eau avait pénétré, là, évidemment, puisque ça arrivait à la maison. Plein d'eau, hein. On avait, pour aller à la maison de ce côté, il y avait 4 ou 5 marches. Tu vois, 4 ou 5 marches. Et ça arrivait au niveau de la dernière marche, l'eau, dont les caves étaient pleines. Et quand nous avons déménagé, 2 ans après, nous avions laissé des caisses dedans, dans la cave, où il y avait du papier du précédent déménagement. Tous ces papiers étaient mouillés. Le sentiment que ça résonne, non hein, c'est pas un sentiment que ça résonne, non? Nous avions... Guitar, jamming good with Weird and Gilly and the Spiders from Mars. Well, they played in their hand, but they made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes. Like some cat from Japan. You could lick them by smiling. You could leave them to hang. Came on so loaded, man. Well hung and snow white. So where were the spiders while the fly tried to break? Maison, oui, elle est habitée. Elle a... En fait, c'est divisé à l'heure actuelle. Après la libération, ça s'est passé, bien sûr. Nous, on est allé en 52, mais après la libération, cette maison a été vendue, a été achetée par un monsieur qui habitait l'Algérie. Vous savez, à un moment donné, pour placer son argent, il avait acheté cette maison, sans l'avoir d'ailleurs. Alors cette maison qui avait été assez pillée, on peut dire, par les Allemands, ils n'avaient rien laissé d'ailleurs, même le chauffage central, tout avait été détruit. Alors nous, à l'époque, moi j'étais nommé à Paris, j'avais pas de maison, j'avais pas de logement, et on avait été logé chez Madame, comment ça s'appelle, Le Bihan. Chez Madame Le Bihan, là on habitait dans une cave. Elle ne voulait pas le croire, parce que quand j'étais nommé à Paris, moi, et c'était en 52... Je réussissais pas à trouver de logement, parce que c'était difficile à l'époque. Alors, ma femme croyait que je me prenais la vie douce, moi, à Paris, bien sûr. Alors que je cherchais partout. Oui, que je cherchais partout un logement. J'étais Germain Ferrand avec 4 enfants. Oui. Dont le plus jeune avait 4 mois. Ma fille avait 18 mois à ce moment-là. Puis mes 2 aînés. Alors, c'était pas drôle pour moi aussi. Alors, oui, je lui avais dit, si tu trouves pas un logement, je m'amène, tu me verras arriver en bas de tête, tant mieux pour toi. Du coup, il m'a trouvé quelque chose. Monsieur, vous êtes Le gardien. Le gardien, là-bas. Parce que nous venons de voir... J'avais vu madame la directrice il y a 3 mois qui m'avait autorisé à revenir. C'est un directeur ici. Hein? C'est un directeur ici. Oui, non, mais là, je viens de voir madame la directrice adjointe, je crois. La directrice adjointe? Oui. Alors, c'est de l'autre côté, c'est au CES. Non, je viens de la voir. Ah oui, alors, c'est pour le CES, c'est de l'autre côté ici, oui, non, c'est l'école primaire. Oui, non. Il aurait fallu demander l'autorisation au directeur, il est au courant. Pardon? Le directeur est au courant? Non, mais il n'y a personne aujourd'hui. Il aurait fallu lui demander si on a d'accord avant. Hein. Ça mettrait dans la fois qu'il soit satisfait. Hein. Le CES s'arrête là, la directrice vous donne son accord pour là, mais pas pour ici. Vous n'avez pas le droit d'être ici. Si vous avez demandé l'accord du directeur, oui. Ou de la mairie. Ou de la mairie. Si vous avez l'accord de la mairie, d'accord, ou du directeur. Mais autrement, non. Bah, nous allons passer. Bon, non, d'accord, nous allons passer de l'autre côté. J'ai crié toute la nuit pour te voir venir. J'ai mis. Si t'es pas trop fatigué, je préférais qu'on marche. C'est une fenêtre cimentée, murée, avec la rosace de plâtre. À quoi tu me compares? Pourquoi? quand tu vas jusqu'à la fenêtre, ce même verre quand nous parlions, et les branches en toi, tes doigts serrés autour de moi, comme ce terrain vague près de la station d'essence, Perpignan. Quand tu dors et que je me lève, oui, j'ai couru. Il disait de ne pas. Tu as dévoré jusqu'à moi tout le quai à parcourir. Je regardais les arbres sans toi. Je te crie cela. Non. Je suis une simple ruine envahie par la boue. Oui, j'ai couru. Et ce perron que tu dis exister encore. Quand j'habillais tes livres. Pourquoi ta voix mouillée de moi. Ah, si je pouvais ne plus parler. Ne plus te parler. Je marche sous mes pas à Bry-sur-Marne. Tout disparaît dans la parole qui te mange. La lourdeur des arbres. Cette partie du monde qui nous est inconnue. Presque confondue. Tu me promettais de... Non, ce n'était pas moi. Tu me dévastais sans même me regarder. Les murs. Qu'est-ce que commencer ? Tu me disais de... Partir. Toujours, disais-tu avec la précision du chant. Ce n'est jamais toujours. Tu me parlais de ces lettres. Oui, il faisait la guerre pour que je grandisse. Et toi ? Sur le balcon, la bouche près du métal. Tu déplaçais des pots de fleurs et des cris. Tu me disais ta vie près de ton père. Et ce temps océan que tu n'as pas compris. Tu lisais dans la cuisine. C'était une pièce en ciment inachevée où tu pendais le linge. Comme un souvenir de Bry-sur-Marne. Moi, je vois, tu vois, c'est dans le champ d'esprit. Bon, il y avait le jardin. Et nous, nous rentrions là, à la cave, on rentrait là, de ce côté. Tu vois ? Alors, la cave, si tu veux, c'était, supposons que ce soit cette maison, oui. C'était là. Tu as photographié par la maison à côté, c'est pas celle-là. Sur le côté, pour aller chez les propriétaires qui, eux, habitaient le premier étage, oui. Il y avait un escalier, donc, extérieur. Dehors, il y avait l'escalier sur la façade. Oui, tu vois, Bihan, que la dame nous avait dit qu'en cas d'inondation, on pouvait monter chez elle. C'était la même maison. C'était la même maison. Ah, donc j'ai photographié. Alors, ce qui est quand même curieux, regarde. Elle n'était pas tout à fait quand tu regardes au fond, de la Marne. Hein. Non, mais c'est pas tout à fait ça non plus. Regarde. Ça te dit rien, là, cette espèce de, toi, de jardin qui est au fond avec une espèce de... Tu vois, là, comme ça. Oui, il y avait ça, il était comme ça au fond, c'est ça. Et alors, c'est cette maison. Et, c'était pas possible de le voir de la rue, ça. C'est pour ça que ça peut pas être la maison, Mathieu. Peut-être qu'on y rentrait de l'autre côté, alors, à l'époque. C'était fermé, ça. Parce que si tu veux, nous étions à la cave. Oui. Et la cave, c'était tout le dessous de la maison. Oui. Alors, on avait des fenêtres qui donnaient. On rentrait du côté du jardin, il y avait une fenêtre du côté du jardin. C'était la chambre où nous dormions avec ton père. Puis, nous avions le dessous de l'escalier, cet escalier que je te dis extérieur. Oui. Hein, on y était, en dessous, on avait une fenêtre. Et on avait une fenêtre du côté de la rue. Ce qui fait que tout le dessous de la maison était fermé, on ne pouvait pas voir de la rue, tu ne pouvais pas voir sous la maison comme ça. Mais il y avait deux fenêtres sur la rue, ou une Une, je crois. Ça. Une seule ? Une seule. Parce que depuis, ça a peut-être été ouvert de ce côté-là. Parce que devant, je me souviens très bien, c'était, il y avait une espèce de balcon. Pas de balcon, de véranda sous lequel tu faisais la lessive. Cimenté, quoi. Cimenté, mais ça y est toujours, là, dans cette maison. Oui, ça donnait sur le jardin. Et bon. Et puis alors, comme je te dis, bon, mettons qu'on rentrait par là, tu vois, ça c'est le côté jardin. Et là, je dis, sur le côté, tu avais cet escalier qui donnait chez le propriétaire. Parce que le propriétaire, à l'origine, avait habité en bas, d'après ce qu'il nous avait dit. Et à cause des inondations, ils étaient montés là-haut. Comme je te dis, il nous avait dit qu'à partir de septembre, il fallait s'attendre à ce qu'il y ait de l'eau dans le chemin. Mais qu'il nous recueillerait là-haut au premier étage. Moi, ce que je pense, tu vois, c'est que c'est cette maison. Parce que quand j'ai vu la personne qui est dedans, je lui ai parlé. Oui. Et je lui ai dit, je me souviens très bien, j'ai vécu ici. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il y a devant la maison une espèce de balcon, de véranda comme ça en ciment, et que c'est cimenté. Il m'a dit, oui, c'est vrai, c'est comme ça. Bon, donc, ce que je pense, c'est que cette maison plantes. Était fermée de ce côté-là à l'époque et qu'elle a été ouverte de ce côté-là. C'est possible. Depuis. Alors, la cave n'est plus utilisée comme logement, vraisemblablement, tu comprends. Ils ont ouvert, alors. Mais est-ce qu'il y a toujours cet escalier-là, ce fameux escalier? Ah, c'est ça qui me trouble beaucoup. Ils ont peut-être fait l'escalier intérieur, c'est ça qui me trouble beaucoup, c'est que la maison qui est à côté a un escalier extérieur. Je me souviens très bien que maman faisait la lessive à l'extérieur. Oui. Hein, et vous ne me l'avez jamais raconté, à l'extérieur, sur ce sol de ciment, avec au-dessus de nous une espèce de mur de ciment. Attends, qu'est-ce que tu dis? Je faisais la lessive, avec un mur de ciment dessus. C'était transposé, c'est quand je la faisais dans la cuisine fermée. Parce que c'était très bas, cette cave. La preuve, c'est que papa, qui n'est pas très grand, touchait le plafond comme ça. C'était très bas. Et alors, ordinairement, quand je faisais la lessive, toutes les fenêtres étaient ouvertes. Ça n'impressionnait pas. Mais lorsqu'il faisait froid, les derniers temps, nous étions allés là-bas, un été où il avait énormément plu et où il faisait froid. J'avais fermé tout et j'avais fait la lessive sur le fourneau. Enfin, un réchaud à gaz, c'est qu'il y avait. Et alors, tout s'était couvert, tous les murs, le plafond s'était couvert de buée. C'est ça qui a dû t'impressionner. Il ne disait pas que c'était une cave, c'était un appartement en sous-sol. Ah, il ne disait pas que c'était une cave. Un appartement en sous-sol. En sous-sol. Cette rue-là. Oui, voilà. Tu vois la maison ? La trace d'une ancienne maison. Ça devrait être ici. Et là où les enfants jouent. Avance doucement. Non, fais pas ça. C'est la maison, tu vois, sur la droite, où il y a, pour tirer la sonnette, c'est qu'on appelle ça une poignée de WC. Hein. Tu vois, c'est d'un coup parfait. On va voir, hein, la sonnette. Descends. Vous savez s'il y a quelqu'un ici ? Non. Non ? Vous savez pas ? Non, on va ressonner. Tirez fort. Alors, on tire fort. On vivait dans ces pièces qui sont là, qui donnent là. C'est des fenêtres et en fait c'est une... Je dis pas trop fort pour que ce monsieur entende, au cas où il écouterait, mais c'est une cave, c'était une réelle cave. Oui, c'est deux fenêtres. C'est cette maison, hein, il n'y a pas de... Quand en fait. Numéro 12, mais alors... Le numéro, je m'en souviens pas du tout, je peux pas te dire... Maman, tu te souviens de ça? Oui, ça c'est la passerelle qui relie Bressurman à Opéreux. Oui, et la maison était proche de ça. Quelle maison? La maison avec la cave. La cave. Oh, c'est la seconde passerelle, Elle était très proche de ça. Mais attends, mais ça, c'est où passe la grande rue ? C'est la passerelle qui relie Bry-sur-Marne et le Perreux sur les quais, enfin, sur la rue des quais. Juste, enfin, qui tombe juste sur le quai, une petite passerelle. C'est là que tu allais pêcher. Oui, j'allais pêcher. Tu allais pêcher entre notre maison et ça. On en était près, mais pas tellement près. Non, on n'en était pas tellement près, hein. Oh non. Il y avait 300 mètres, 400 mètres. Oui. 400 mètres, je comptais. On n'en était pas tellement près. Bah, tu venais pêcher avec moi et Jean, on allait pêcher, là. J'ai toujours été pêcheur. On allait pêcher tous les jours, il venait avec moi. C'était l'été, sinon j'ai eu un moment. Ce que je vois, nous, quand on allait au bord de la mer, on la voyait, si tu veux, la passerelle bien, mais on n'était pas prêts, hein, quand même, pas tellement. Hein. Pas tellement. Ah non. C'était, pour eux, c'était une bonne période, c'était les vacances. C'était, en somme, le mois de juillet qu'on a passé là et la partie du mois d'août, pour vous, ça a été les grandes le vacances. Le commencement, pouvons-nous aller plus loin, près de ces bois pourris qui touchait l'eau. J'ai mietté les fibres, je les bois. Non, regardez. Regardez se confondre au liquide. Si, j'ai la debout contre la porte de la chambre, avec le bruit des voitures que je n'ai pas quitté. Je parlais déjà quand je suis né, c'était des pierres avec vos voix près des fenêtres. Et cette chose lourde dans la nuque, cette douleur dans la pensée, et l'avenue de l'île. Touché cela près de bruit, presque enseveli. Non, je n'étais pas abandonné, ni je me souviens de toi qui me parlais de moi. Et ce golf en moi, ah, si je pouvais m'enfoncer jusqu'à la mer, si je pouvais courir que touchait l'eau. J'émiettais les fibres gelées, regardais se confondre au liquide, sans fin. Autour de la maison, il y a un étang où je me perds. L'eau dans les volets quand tu me regardes, oui, cette hauteur de pierre en moi. C'est cela que tu as dans les mains, le dessin d'Idalage. Chaque jour, elle monte au grenier et m'interdit de la suivre. Je ne saurai jamais où elle va quand elle me quitte. Le nom de bruit, déjà les yeux gonflés de laine, je m'égarais près des radiateurs. C'est une fonte dans mes yeux qui m'aveugle comme la mer. Les armes, et nous, lentement, les sons forts. Gone. Oh, the satellite's gone way up to the skies. Don't you know that things like that trap yet? Les armes, et nous, lentement, laissons nos corps s'enfoncer dans les arbres. J'ai tout oublié de moi dans le parc qui entoure la maison. Je sens un bruit qui persiste comme un couteau nourri sur ma âme. La lourdeur du souffle, avec le léger sifflement de la poitrine. Toutes ces marches, quand tu me quittes, rue de la Marne. Pourquoi nos corps ne font pas tous ce même bruit? Pourquoi je ne comprends pas pourquoi? Que j'ai oublié le dessin bulle et empli d'ombre et d'odeur. Pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi la pente que je suis s'appuie sur un mur sans presque d'existence, un mur de pierre sèche, un mur de terre sèche sous les doigts. Il n'y avait pas de réponse, rien. C'était non, avec des après-midi entiers, vous, il faut que, tu, je ne me souviens pas de moi, ce fut sans crier, comme lorsque l'on pleure, elle m'a aimé, non, comment, ce n'est jamais cela, il faut que tu comprennes, et son corps corridor où j'ai peur, il va rentrer, je lui dirai, je suis dans cette chambre où je n'ai pas fini de grandir, ni, contre le mur, à ne pas savoir. Ce furent des années sans corps, quand je monte à l'étage supérieur découvrir le monde, l'enchevêtrement des branches, la moiteur laiteuse des feuilles, douceur et un ray de lumière sur mon pied. Je m'étais habitué à cela, à vous parler, à courir au fond du parc, près des pierres sombres. Elle me mène près du bâtiment d'école. Que cherches-tu dans le ciment sur l'ombre de ton ventre et le récit d'une mère tue sur tes lèvres. Près des ruines comme l'enfant tremblant de me manger. Tu regardes l'absence qui se referme sans toi. Oui, ton champ gonflé de marne me déserte. Roman abandonné comme une barque, la rive ressemble à l'autre rive, blessure, blessure. Et cela que tu as oublié, que tu disais de bouche, ô salive. Mes doigts pétrissent une argile morte, moi. Ma phrase tremble de s'écarter. Ô douleur, mais la douleur barque dans d'autres visages. Tu touchais mes yeux comme l'oubli des yeux mourir peut-être. Cet accent de toi, dans mon nom. La surdité près des portes, ah, délie-moi de ce moi soigné de marne. Il parlait de te quitter, les pierres dans ton visage et le sommier où tu pleurais. Oui, Mes mots imitent le chant de ton nom dans la rue en pente. Cela qui s'enfonce, c'est un figuier dans la couleur, nos paroles ensemble près du figuier. Je suis semblable à toi qui n'a pas parlé sur le quai, qui est. Les branches émondées, je tamponnais ta mémoire, où tu manges un enfant prisonnier des murs où l'engageait la marne. Les arbres prolongeaient la tête c'est de l'île. Cette agrafe de toi, marne, comme un cataplasme de moi, le monde, l'herbe de nos oui, marres. Partir et l'affaissement de la oui, berge en toi, chaque mot que j'écris est un nom oublié, avalé, vacillé. Comme des pierres parmi nous, je te disais. Cette batterie de toi d'Ambry-sur-Marne. Et je t'ai quitté dans ce récit. Il me fallait toucher l'arbre pour grandir. In Berlin, by the wall, you're 5 foot 10 inches tall, and it was really nice. In a small cafe, baby, baby, baby, you can hear all those musicians playing. It was really nice. Maman me décrive la première fois que tu es rentrée dans cette maison, comment tu l'as perçue? Cette maison, là. Oui, enfin la maison 56 avenue Rigny. Comment elle a perçu la venue? Alors, j'ai trouvé que c'était splendide. Splendide. La preuve, c'est que mon anniversaire est le 15 août. Et on avait décidé avec papa qu'on passerait le 15 août dans la cave, quoi, si vous voulez, puis qu'après, on déménagerait. Et quand on a vu la maison. Hein, on a dit, ben tant pis, le jour du 15 août, nous déménagerons. Vous descendez la rue, là, puisque c'est sans interdit, après, vous avez pas le droit. Et vous tournerez à droite. À droite. Il y a le feu rouge, vous tournerez au feu rouge à droite. C'est la avenue Rigny. 56, c'est 48 qui est là, alors. 56, c'est à 4 maisons. Bien. C'est un immeuble. Merci. De rien. Bon, tu rentrais par le parc, enfin, par le devant de la maison, avenue de Rigny, du côté avenue de Rigny. Alors là, tu avais bien ces deux fenêtres, hein, mais à la place de ce petit vase chose là, il y avait une porte, il y avait 4 ou 5 marches, et une porte vitrée, ouais. Qui était exactement la jumelle de celle qu'il y avait derrière. Exactement pareil. Il y avait des vitres qui formaient une sorte de rectangle au milieu et qui étaient bordées par des vitres triangulaires sur le côté. C'était d'ailleurs tout un problème lorsqu'on en cassait une pour la remplacer ensuite. C'est exactement la même, tu vois, que derrière. Et c'était fermé dans de l'intérieur par des doubles volets, comme des volets de fenêtres. Et alors, sur le côté, là, sur la gauche, lorsqu'on entrait, il y avait la cuisine qui avait été rapportée. Elle ne faisait pas partie, tu vois, de la maison elle-même. D'ailleurs, on nous avait dit que la cuisine, tu vois, ici, de ce côté, avait été construite après coup. Elle avait un toit en terrasse. On l'a enlevé, la cuisine. Non, elle est toujours là. Elle y est, parce que là, elle ne se voit pas. On la voit mal, c'est ça. Ah, c'est ça. Alors, le toit est en terrasse. Demande à maman le problème. Il fallait nettoyer les chenaux, là. Alors, pour aller sur le toit de cette cuisine-là, moi, je sautais par la fenêtre le premier étage, la fenêtre de la chambre, je sautais sur ce toit. Quoi faire? Eh bien, pour aller enlever à l'automne, il y avait des chenaux tout autour. Il y avait énormément d'arbres dans le parc et à côté, à la maison à côté. Alors, tous ces arbres perdaient leurs feuilles Et tout le toit, il n'y avait pas que le champ, tout le toit se remplissait de feuilles mortes. Et alors, lorsqu'il pleuvait en automne, toute l'humidité entrait dans la cuisine. Ça, c'est du bord de la Marne, devant le restaurant Des Reflets. Oh, ben, je connais un peu le Perreux et Brie. Hein. Ça, c'est le coin de la maison, évidemment. Qu'est-ce que c'est pour vous, cette maison? Ça devait être l'entrée d'une propriété autrefois, ça. Est-ce que vous pourriez imaginer comment c'était il y a 15 ans, ici? J'ai vaguement... Mais il y a 15 ans, ça n'existait pas encore. Enfin, j'ai vaguement entendu parler qu'il y avait un château. Maintenant, je sais pas si c'est ici ou si c'est plus loin. Il y avait un grand château qui était démoli pour faire des immeubles. Il y a toujours un problème si d'ouverture dans cette maison. Il y avait deux portes qui donnaient sur l'extérieur. Et en hiver, l'air y passait tellement que tous les matins, papa cassait la glace à l'intérieur de la cuisine qui bordait les deux portes. Personne. Puis alors ça, c'est la fenêtre de la chambre où vous dormiez, vous. Alors cette chambre était dans ce sens, tu vois, elle comprenait cette fenêtre et la porte, jusque-là. Hein? Puis alors, elle était reliée à notre chambre à nous par une grande arcade à deux bantans. Il y avait une porte autrefois, mais il n'y avait plus de porte. Et cette fenêtre appartenait à notre chambre, ainsi que les fenêtres de côté, là, et la fenêtre de l'autre côté. La fenêtre donnait sur trois, la chambre donnait sur trois côtés de la maison. Une fenêtre là, une fenêtre sur la façade opposée. Bonjour. Je suis de vous, maman. Mm-hmm. Je suis Rompecteur Alix, tu vas voir. Je suis Rompecteur Alix, c'est très bien quand on me tombe sur la poitrine. C'est vrai, le sirop Rompecteur Alix dégage les bronches, facilite la respiration et calme la vue. Ne pas donner au-dessous de 15 ans. Oui. Vous n'en connaissez rien? Bah si, celle-là. Qu'est-ce que c'est? Bah c'est ici. C'est ici, oui. Et puis celle-là. Ça? Sur cette photo, bah oui. C'est l'école Henri Cannes. Ouais. Oui. Vous avez été à l'école Henri Cannes? Oui. Ah, bah ici, on voit, disons, les grandes classes de ce côté-là et les petites classes de l'autre côté. Il y a des arbres aussi, non? Bah oui, ça oui. Non? Pourquoi vous ne dites pas qu'il y a des arbres? Vous êtes aussi allé à l'école Henri-Cannes? Oui, quand j'étais petite, dans l'autre école. Dans l'autre école, ouais. Ce que vous voyez là. Bah, c'est la passerelle, enfin je suppose. La passerelle entre quoi et quoi? De ce côté l'abri, puis de l'autre côté, bah. Nos gens, le Perreux. Le Perreux, oui. Oh. C'est les ponts qui est juste à côté de Neugean, là, entre Neugean et le Pérou. Oh. C'est un viaduc. Alors ça, vous connaissez ça? Ça, c'est le coin où il y avait la cuisine, ça. Voilà. C'est la cuisine. Ouais. Et ça, c'est une fenêtre qui donne dans le vestibule, oui, non? C'est toujours à l'école Henri-Cannes. Bah, je pense, c'est plus ouais. Après coup. Mais là, tu vois, ils ont supprimé la porte, là. Il y avait une porte vitrée à la cuisine qui donnait de ce côté. Parce que ça, ça donne derrière dans c'est le parc. C'est celle qui mène à la cave. Voilà. Mais on ne passait pas par là, en principe, parce que nous, on l'avait colmaté parce que ça donnait trop d'air. Et c'est en effet, c'était exprès, ça avait été fait pour aller à la cave, ça. Parce que là, tu avais un petit endroit cimenté, là. Il y a le gars, le toit, dont je te parlais tout à l'heure. Et voilà la cave. Ça? Oui. Ben ça, c'est la place Carnot. Ouais, c'est un vieux magasin qui a été refait. Vous saviez ce qu'il y avait dedans avant? La guerre? Ah non, la guerre, non. Je sais pas, mais enfin... La guerre. Enfin, ce qu'il y avait avant la guerre, non, mais enfin, avant qu'il soit changé, c'était un genre de... mercerie, hein. Ouais. Là, alors ici, la distribution des pièces, de ces pièces était en sens inverse. Alors que là, tu avais une chambre qui prenait toute la longueur, comme ça, notre chambre. En haut, c'était cette chambre qui prenait toute la longueur. Et derrière, cette fenêtre aveugle que tu vois là, ici, c'était une petite chambre qu'il y avait derrière. Tu vois? Qui, le derrière de la maison. Là. Parce que nous, je te dis, il n'y avait pas de fenêtre aveugle. C'est dans cette chambre où vous jouiez, vous, tous les deux. Tu te souviens pas? Au premier étage. C'est la chambre où on mettait des pommes. Voilà. Et c'est la chambre où ton frère Jean a eu si peur. Tu te souviens pour la Toussaint? Pour sa communion, là, quelques jours de sa communion. Avec le ballon et le... Voilà, c'est dans cette chambre. Ce que j'ai raconté dans la biographie, comme m'étant arrivé à moi. Oui, et bien c'est là. C'est dans cette chambre. Et puis ensuite, il y a une autre pièce que tu as dû voir qui surplombe l'entrée. Ici, où c'est derrière, là, quand tu rentres. Mais il n'y a plus de pièce maintenant, tu sais, maman, c'est transformé en appartement. Ce qui te reste de Brie-sur-Marne. Ce qui te reste de Brie-sur-Marne. Ce qui te reste de Brie-sur-Marne. Ce qui te reste de Brie-sur-Marne. De Brie-sur-Marne. Non. Pas de véranda. Pas de véranda. À l'endroit où on te voit toi rentrer là, oui. Il y avait comment tu peux appeler ça? C'était cimenté. Et il y avait des sortes de piliers qui soutenaient la chambre qui était là-haut. Derrière, à la porte d'entrée de derrière, il y avait une entrée cimentée qui correspondait à la superficie de la chambre qu'il y avait au-dessus, qui était montée sur piliers, en somme. Cette chambre indépendante où ta mère dormait, ma mère dormait lorsqu'elle venait aussi. Hein? Mais de véranda vitrée, il n'y en avait pas. Et à côté du vestibule, il y avait une très grande cheminée dans le vestibule. Puis je te dis, il y avait une surface, je ne sais pas moi, il faisait bien 9 mètres carrés, ce vestibule était énorme. Il avait la surface d'une pièce d'argent. Adorable. Tu avais les cheveux plus frisés que ton fils quand même. Oui, il avait les cheveux plus frisés et plus foncés qu'Antonin. Tu étais plein de vie, ça. Plein de vie. Ah, tu étais un sacré démon. Et tu jouais toujours avec Jean. Et tu sais pas, il y a un souvenir que nous a rappelé Alain l'autre jour. Et un souvenir aussi qui enchante encore Michel. C'est la fameuse cabane que vous aviez construite tous les quatre. Tous les deux. Oui. Et vous aviez pris les petits avec vous. Tu te souviens de cette cabane que vous aviez construite? On creusait dans la terre. Et puis dans des buissons, vous avez fait une cabane grande. La maîtresse ne pouvait pas te voir. Non, mais la maîtresse qui ne pouvait pas me voir, c'était beaucoup plus tard, c'était pas la première année de toute façon. Si, c'était quand tu étais en préparatoire. Et puis ta première année de primaire aussi. Ta première année de primaire. Elle ne pouvait pas te voir parce que tu ressemblais trop à son fils. Tu ressemblais trop à son fils en tant que brouillon. C'est-à-dire que tu avais des cahiers, et c'était quelque chose de terrible, affreux à voir, il faut le reconnaître. Tout ce qui était très bon. Il n'y avait que les dictées qui pêchaient un peu, hein, mais alors, en problème, c'était toujours, toujours juste, c'était tout ce qui était calcul, c'était très bien, même en grammaire, mais alors des torchons. Il mettait zéro alors qu'il avait ce problème juste. Tu te souviens quand tu faisais les devoirs 20, à la maison? Moins 20, zéro. Tiens, je veux rappeler un souvenir lorsqu'il était... tous les jours, lorsque tu venais de... Ça devait être un cours élémentaire première année, ça. Tu avais tous les jours un exercice de grammaire et un problème à la maison, c'était tes devoirs. Alors, comme je me suis toujours occupée de vous quand vous étiez petit, tu faisais ton problème sur le brouillon, tu me le montrais, tu le recopiais, et pour l'exercice de vocabulaire ou de grammaire, c'était la même chose. Alors, un jour, tu t'installes, je dis, ben, fais ton brouillon, et puis tu me le feras voir. Puis à un moment donné, tu me dis, maman, j'ai fini. Qu'est-ce que tu as fini? J'ai fini mon problème, je vais faire mon devoir de vocabulaire. Je lui dis, comment tu l'as recopié sans me le faire voir? Je dis, si, maman, je l'ai recopié. Donc, je prends ce cahier, évidemment, c'était recopié. Tu avais fait... Alors, tu avais pris tous les chiffres qui se trouvaient, tous les nombres, plus exactement, qui étaient dans l'énoncé. Tu avais multiplié, divisé, soustrait, tout ça. À Perpignan, je ne comme ça, t'avais pris n'importe comment. Quand la nuit, comme la nuit, quand je me tournais dans le lit sans comprendre, ces mois repetassés près des figuiers qui écrit avec la fatigue des mains, et pourtant quelque chose a dû être qui est enseveli avec mes cris des larmes. Je ne sais ce qui fut déchiré, ce que nous avons oublié, ce sont des mortes. Moi, je fais toujours tout juste. Mais comme c'est les boulis des pierres que tu imagines, c'est inventé avec ton voyage à Perpignan. Je ne saurais jamais te dire, comme la nuit, quand je me tournais dans le lit sans comprendre, ces mois rapetassés près des figuiers qui écrit avec la fatigue des mains. Pourtant, pourtant, quelque chose a dû être qui est enseveli avec mes cris, tes larmes. Je ne sais ce qui fut déchiré, ce que nous avons oublié. Ce sont des morceaux de bois qui n'étaient pas de bois. Je t'ignorais des carcasses de voiture. Je demandais qu'est-ce qu'il y a bien plus. Quelque chose horrible, il avait pu faire en classe. Alors on convoque mon mari qui va, hein, et on te dit, ben voilà, il a perdu un livre, je ne sais plus lequel maintenant. Mettons un livre de maths, il a perdu son livre de maths. Alors la maîtresse te dit, ben je vous demande, monsieur Bénézet, enfin, de le déculoter, de lui donner une fessée en pleine classe. Alors ton père a dit, non, je refuse. S'il a perdu un livre, je paierai le livre, il dit, mais je ne vais pas le battre en pleine classe, pourquoi voulez-vous que je le batte? Il me dit, parce que c'est ce qu'il faut faire pour leur apprendre à se tenir tranquille aux gosses. Hein? Et alors, à partir de ce moment-là, il me dit dire que la maîtresse, elle ne pouvait plus te voir. Est-il donc un portique, une tente dont les coins relevés sont attachés au ciel? Ce sont des enfoncements noirs où tu vas avec le vélo dans nos jambes oubliées, le fracas des trains dans l'appartement et la voiture garée sur le viaduc dans la pluie. Je te disais, c'est là, non, c'est ici. Je te disais, c'est là, non, c'est ici. Ah, l'hôtel, ce que tu cherchais sur les pierres, qui dis-tu? Et tu parles d'un renfoncement humain dans le mur d'angle des épingles à l'ange. Alors c'est que lorsque tu as photographié, vous avez ouvert, il y avait les deux fenêtres ouvertes face à face. Ce que tu vois en dessous là. Mais non, c'est la porte qui est juste à côté. Ah, c'est la porte, hein. Si tu veux, pour mieux te faire comprendre, le premier étage était plus large qu'en bas, si tu veux, puisqu'il a, la pièce avait ce morceau en plus là-haut, tu comprends? Ils avaient une pièce en plus là-haut, si tu veux. La superficie était supérieure au premier étage. Hein? Alors ça, c'était nos fenêtres, en effet, données sous cette véranda-là, de ce côté, une sorte de véranda, tu vois, là. Et là, il y avait une porte, mais qui était condamnée de notre temps. Comme je te dis, nous rentrions par la rue, nous rentrions par ici, évidemment. Mais il nous fallait traverser tout ça et aller rentrer derrière. Démantelé. Quel couteau, disais-tu? Cette lettre. Quel couteau? Moi, déchiré. est mort en dedans. Et les larmes, c'est cela. Entre blessés. Les cris jusqu'au sommeil. Ah, jadis en sang. Oui, moi. Ce sang, disais-tu. Lourd. Et le silence qui suivait. Oh, enfants sanglants, les enfants. Après la pluie, avec le bruit des portières sur nous. Et ce chant. Où tu me laissais les dents sur ce métal. Tu ne m'oublieras. And the spiders from Mars. Well, he played his left hand, but he made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes, screwed down hairdo, like some cat from Japan. You could live them by smiling, you could leave them to hang. Came on so loaded, man, well hung and so white tan. Tu sais, tout le monde travaillait le samedi matin. Alors, par exemple, il allait au travail le samedi matin, lorsqu'il se ramenait, c'était 2h de l'après-midi déjà. Alors, l'après-midi était en partie passé. Puis ton frère était en secondaire déjà. Il était à Nogent. Et c'était pas un lycée. Nous, on aurait voulu le mettre en lycée. C'était un genre de CEC, CEG, je sais pas comment ils appellent maintenant, tu vois. Mmh. On voulait le mettre en lycée. Alors, pour lui, il n'était pas question de le mettre à Paris. Toi, tu avais 10 ans. Tu étais à un an de te présenter en secondaire aussi. Alors, on était contents d'aller à Paris dans un sens parce qu'on pensait que ça nous poserait des problèmes pour toi. Pour toi et ton frère. On ne pensait pas encore à l'année à Michel qui était trop jeune puisqu'il n'était pas encore en primaire seulement. Donc, dans un sens, on était contents d'aller à Paris. Hein. Mais d'autre part, c'est évident que la banlieue, c'était bon aussi. Parce que, remarquez, une fois, on était allé à Paris avec tous les gosses, c'était avant Noël. Il y avait dans un grand magasin, toutes les vendeuses, vous regardez tous les quatre, et qui sont tournés vers maman et disent, mais ils n'habitent pas Paris, ces enfants. Hein? Et bien sûr, vous étiez tous du matin au soir dehors, à Bry-sur-Marne. Bry-sur-Marne, c'était pas loin de Paris, mais vous étiez, vous, à la campagne, vraiment à la campagne. Parce que vous étiez tout le temps dehors. Tu vois? Alors, c'est pour ça, ça nous faisait mal au cœur de quitter Bry-sur-Marne. Mais d'autre part, quand même, la maison, il faut quand même le dire, il n'y a aucun confort dans la maison, à l'intérieur de la maison. Alors, d'autre part, avoir un logement, avoir une salle de bain, etc., ben, pour nous, c'était quand même... Et puis, les avantages que disait maman sur le plan scolaire, tu vois. Et puis, pour moi, pour mon travail et tout. Tu vois. C'est ça. Dans un sens, on regrettait, parce qu'on aurait trouvé le même logement à Bry-sur-Marne, je suis certain qu'on serait resté à Bry-sur-Marne. Parce que c'était la campagne, c'était... Pour les enfants, c'était ce qu'il y a de mieux. Ça tourne. Tu t'es enfoncé dans la Marne. Derrière moi, j'ai conservé la couleur de ton sang. Comment vomir? Je suis un peu de ton sang qui coulait, et toi qui venais dans l'allée jusqu'à moi. Je regardais tes pieds, je voyais jusqu'à la hauteur des genoux. Déjà ton visage est loin de moi. Oh, as-tu couru jusqu'à moi? Je m'enfuyais près des marronniers. Toutes les eaux ne m'ont pas lavé de toi, de ton souvenir. Cela ne suffit pas. La Marne est-elle morte derrière nous, asséchée? Elle doit continuer de pourrir dans son... Toi, à Bry-sur-Marne, dans cette maison, finalement, qui était très grande, tu vivais seule avec les enfants, donc... J'étais vraiment seule, puisque ton père partait le matin. À quelle heure tu partais? 7h. Pour revenir à 7h du soir. Quand c'était pas 8h30. Ouais. C'était pas 8h30, parce que vous savez, les militaires, ils font des heures supplémentaires non payées, hein. The bed too many movies, and you've seen too many players. ici, debout contre la porte de la chambre, avec le bruit des voitures que je n'ai pas quittées, accoudé à la balustrade, plus tard, comme un affleurement d'eau sous les yeux, cette chose lourde dans la nuque, cette douleur dans la pensée, et l'avenue de Rigny, et dedans, oui, peut-être moi, te disais-je, comme avec le vélo qu'il m'a abandonné pour courir. C'est ton corps que j'ai confondu avec les marronniers, et ce golfe en moi, ah, si je pouvais m'enfoncer jusqu'à la mer, si je pouvais, rue des Sauges, cette douleur friable dans les mains, comme un espace de briques en moi, et le vestige du placard dans la cuisine, le figuier abattu, tronçonné, l'eau dans les volets quand tu me regardes, oui, cette hauteur de pierre en moi, c'est cela que tu as dans les mains, comme des iris écrasés dans ton sommeil, la pluie dans tes cris quand tu ne veux pas que je parte, et que tu me dis, emmuré, je suis emmuré dans l'armoire, oui, déjà les yeux gonflés de laine, je m'égarais près des radiateurs. C'est une fonte dans mes yeux qui m'aveugle comme la mer. Et tu me dis... Man, I know that we don't see things much the same way. Tu n'en es pas au patronage, toi, encore. Non, c'est ton frère qui est au patronage aussi le jeudi. We'll just let things stay that way. Over there. You keep it over there. Cause baby, baby, baby, it's just temporary. Oh, je te ramène les photos. Il y a toutes nous deux qui manquent. Hein. Ah, ça, c'est toi. Ton frère et toi, dans... à la Bourboule. Hein. Là. Et la Bourboule, c'est là où tu allais te faire soigner pour l'asthme. Je suis allée me faire soigner pour l'asthme, oui. Vous faites du cheval, tous les deux. Tu es marrant, toi. Tu as 15... De l'âne, oui. C'est un âne sur le... Regarde comme tu as l'air attentif, toi. Tu es content, tu sais, là. Oh, peut-être crispé un peu, non? Tu as 15 mois, 15... c'était en juin, ça, dans mars, avril. J'avais 18 mois. 16 mois, tu vois. 16-18 mois, oui. Il y a 16 mois, là. Et là, c'est la maison à Montferrand. Regarde, c'est juste un beau gosse, c'est pas pour dire, hein. Regardez, tenez, regardez le petit blanc, là, le plus petit. Ah oui, c'est ton frère aîné. Hein, c'était pas un bel enfant. Et là, quand tu fais la course avec Jean, il est sur le vélo, toi sur la trottinette. Et là, c'est, tu commences à marcher. Tu as 11 mois. Place de Jaude. À Clermont-Ferrand. C'est Clermont-Ferrand. Ouais, ouais. Oui. Et on voit la photo de comment il s'appelle, de Dussex. La statue de Dussex. Qui c'est ça? Et le général, moi j'appelle ça Dussex. Deux maisons là. Dussex. Et on voit dans l'emplacement, à la place de cette résidence là, on voit une maison. Oui. Avec un parc. Ouais. Mais moi, je n'ai pas souvenance qu'il y avait cette maison. Enfin, moi, je renvoie le parc avec une maison de l'autre côté, avec ces deux immeubles-là. Mais ici, je ne sais pas. Parce que les cartes postales de ce coin ici montrent toujours le parc avec la maison. Là, c'est la maison que l'on voit. La maison, nous, les fenêtres de notre logement, ça. Au Gravanche. Tout ça, oui, tout ça. Dans la grande rue. Ah, la Grand Rue, c'était encore la Grand Rue il y a 20 ans. Là, c'était du gravier qu'il y avait là. Là où il y avait des devant, arbres, pardon. Il y a 20 ans, il y avait des arbres. Non, il y avait des arbres, il y a 20 ans. Dans ma mémoire, mais une mémoire fausse comme toute la Grand Rue. Non, il n'y avait pas de gravier, c'est de la terre, quoi, simplement. Oh, de la terre battue, quoi. Non, c'est la terre. Non, c'est la terre. Et là, sur la porte, il y avait, tu vois ça? C'était un églantier qui faisait des églantines mauves. Il était formidable, jamais j'ai vu nulle part ça. On aurait dit de petites roses, tu sais, mauves. Mais c'était un églantier, c'est un genre d'églantier. C'était pas des roses, vraiment. Et mauves. C'était très beau. Et voilà, je te rends ces photos. Hein? Je te les rends. Merci. C'est des souvenirs. sans problème. Excusez-moi, madame, je cherche des vues de Bry-sur-Marne avec l'avenue de Rigny. Vous l'avez pas? Parce que je viens de rencontrer des personnes qui m'avaient dit connaître des cartes postales où on voyait l'avenue de Rigny. Tu n'as pas eu de cheveux. Tu as été le seul de mes enfants à perdre les cheveux complètement. Complètement. Il est devenu complètement chauve. À 6 mois, tu étais complètement chauve. Lorsque nous avons quitté Perpignan, tu avais 9 mois. Tu n'avais pas un cheveu sur le crâne. Et ta grand-mère nous écrivait régulièrement pour nous demander est-ce que les cheveux lui poussent. Parce qu'elle n'avait jamais vu un gosse aussi chauve. Et lorsqu'ils ont poussé, ils ont poussé tout frisé. Et sur les photos, en effet, là, voyez, on dirait qu'il a les cheveux raides, regardez, quand il lui pousse. Hein ? Il n'y a rien. On ne voit pas beaucoup, hein. Et après, aussitôt qu'il a eu 13-14 mois, il a eu les cheveux frisés comme ça. J'ai la mémoire de leur voix ensemble à Bry-sur-Marne. Ils parlaient déjà quand je suis né. C'était des pierres avec vos voix près des fenêtres. Que ne puis-je arracher la fatigue de mes membres. Tu m'as soigné. Je veux toucher cela près de pourrir, presque enseveli. Non, je ne t'ai pas abandonné, ni. Je me souviens de toi qui me parlais de moi. Tu allais dans le commencement, pouvons-nous aller plus loin. Près de ces bois pourris qui touchaient l'eau. J'émiettais les fibres. Je les regardais se confondre, liquide, sans fin. Autour de la maison, il y a un étang où je me perds. Un étang de terre. Le vestibule est empli d'ombre et d'odeurs que j'ai oubliées. Le dessin du dallage. Chaque jour, elle monte au grenier et m'interdit de la suivre. Je ne saurai jamais où elle va quand elle me quitte. Le nom de Bry-sur-Marne est déjà un souvenir. Tout cela derrière moi, comme des colonnes couchées, abattues. Les arbres. Et nous, lentement, laissons nos corps s'enfoncer dans les arbres. J'ai tout oublié de moi dans le parc qui entoure la maison. Elle, je l'entends qui remue, le tintement de la cuillère sur le verre, la lourdeur du souffle avec le léger sifflement de la poitrine. Plus tard, je ne comprendrai pas pourquoi les corps ne font pas tous ce même bruit. Pourquoi ? Je ne comprends pas pourquoi. Triple Scorpio, huh? Now I'm fucking sitting there dripping, man. Can you hear that, asshole? Yeah, it's like fucking cool. Peut-être moi, ici, debout contre la porte de la chambre, avec le bruit des voitures que je n'ai pas quittées, accoudées à la balustrade. Plus tard, comme un effleurement d'eau sous les yeux, et cette chose lourde dans la nuque, cette douleur dans la pensée, et l'avenue de Rigny est dedans. Oui, peut-être moi, te disais-je, comme avec le vélo qu'il m'abandonnait pour courir. C'est ton corps que j'ai confondu avec les marronniers, et ce golfe en moi. Ah, si je pouvais m'enfoncer jusqu'à la mer. Si je pouvais, rue des Sauges, cette douleur friable dans les mains, comme un espace de briques en moi, et le vestige du placard dans la cuisine, le figuier abattu, tronçonné, l'eau dans les volets quand tu me regardes. Oui, cette hauteur de pierre en moi, c'est cela que tu as dans les mains, comme des iris écrasés dans ton sommeil. La pluie dans tes cris, quand tu ne veux pas que je parte, et que tu me dis, emmuré, je suis emmuré dans l'armoire. Oui, déjà les yeux gonflés de laine, je m'égarais près des radiateurs. C'est une fonte dans mes yeux qui m'aveugle comme la mer. Et tu me dis, emmuré, emmuré, je suis ce radiateur. Je suis ce cri d'une bouilloire que tu ne peux interrompre. Et nos paroles évanouies. Ce sont des bruits qui persistent comme un couteau. Bry-sur-Marne. où tu n'es pas retourné, où toutes ces marches jusqu'à la Marne, toutes ces marches quand tu me quittes, rue de la Marne. Mathieu Bénezet, Pamela Dousseau, Ce qui te reste de Brie-sur-Marne, avec Jean-Michel Rabeu et Claude de Guyane. Bonsoir. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 4 décembre 1978. Siribolo la kayala uso kafo ka wale nyuma don uso kafo ka ubonya dunya so kono kanyi asigijiri la kayala uso kafo ka wale nyuma don uso kafo ka ubonya dunya so Woyi komba alla muso ya yedoniye muso dabe ya kime walange bana bauka fani fama bauya dunya so kokoro fe net, net.